Le grain de sable d'Attaque Québec. Aquí, un autre monde est possible si a gente quiser. Aquí, un autre monde est possible si a gente quiser. Aujourd'hui au grain de sable, édition du 20 mai 2011. Coopérative de travail et la campagne Zone libre d'eau embouteillée. Alors bonsoir, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capital National. C'est une émission préparée par Cédric Leterme qui est également ce soir à la mise en onde. Alors aujourd'hui, au programme, on va commencer l'émission avec Nicole Moreau qui souhaite venir nous parler de la démocratie au travail à travers le cas des coopératives. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on retrouvera Léa Coulienne-Robitaille et également Maxine pour notre dernière chronique Développement épais. Donc, c'est pas des membres de Développement épais, mais ils ont quand même sont consacrés à la campagne Zone libre d'eau embouteillée. Alors, encore tout un programme aujourd'hui, mais on commence d'abord en chanson, toujours sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive tes goûts. Ce qui pourrait dès demain nous mettre sur la bonne piste. J'insiste, dès maintenant, je veux voir la liste de tous les anciens du Front de Libération Utopiste qui va se mouiller pour les droits de l'enfant, pour que tout le monde ait droit à un appartement. Apparemment, personne n'est prêt à aller de l'avant. C'est vrai, pour pouvoir penser, il faut avoir du temps, le pouvoir, les dollars, l'exploitation, le marché noir. Ça laisse très peu de temps à ceux qui crèvent sur le trottoir. Plus d'espoir pour y croire, juste quelques cauchemars. Même plus droit à un rêve, juste à une vie illusoire. J'ai rien prévu pour demain. C'est déjà bien d'y penser, et je pense que demain matin j'aurai du mal à me lever. Voulons-nous avoir du temps pour savoir qui on est, pour s'occuper de nos enfants, connaître nos voisins, pallier, pour que les fêtes du week-end puissent s'étendre à toute la semaine, pour que les connards du FN s'alimentent plus sur nos problèmes. Pourrions-nous avoir du temps pour discuter avec l'ennemi, pour la vie une des caissières qui bosse au monoprix, pour faire du sport, pour boire un verre, s'occuper la qualité de l'air, pour aller voir tout là-haut comment va notre univers. Fais-lui croire, fais-lui croire que tu l'aimes. Pour plus tard, à la douceur, lui porter des chrysanthèmes. Pourrions-nous avoir du temps pour croire en Dieu? En Dieu? Pourrions-nous rester enfants avant de devenir vieux? Pourrions-nous avoir un peu de vent dans nos cheveux? Ça paraît pas important, mais c'est très bon pour eux. Alors, vous venez d'entendre la chanson « J'ai rien prévu pour demain » du groupe Trio. Alors, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de sable d'Attaque Québec. Alors, c'est Nicole Moreau qui nous rejoint aujourd'hui pour commencer l'émission. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Comment allez-vous en cette agréable journée verdoyante et estivale, enfin? Ça fait tellement plaisir. Oui, hein? Oui. Donc, aujourd'hui, Nicole, vous avez choisi de nous parler des coopératives de travail et non du projet amphithéâtre de la Ville de Québec. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de nous parler de ça? C'est une façon particulière d'organiser le travail qui semble très intéressante. La caractéristique majeure, c'est que les coopératives de travail donnent lieu à une démocratie au travail. Démocratie, effectivement, ça commence bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus? Donc, si on se réfère à deux sources, le réseau de la coopération du travail, d'une part, et la loi sur les coops, ce réseau décrit ce que c'est qu'une coopérative de travail, une équipe d'au moins 3 personnes qui s'associent pour créer leur entreprise, une entreprise contrôlée, gérée démocratiquement par ses membres, participation démocratique des membres, travailleurs aux décisions stratégiques de l'entreprise, reconnaissance de l'apport de chacun en termes de compétences, non pas seulement en termes d'investissement, indépendance entre le vote et le capital investi, donc un membre égale un vote. C'est une entreprise qui vise tout autant l'efficacité et la rentabilité. Les excédents ou les profits peuvent être répartis entre les employés. Et puis ça, ces entreprises-là, en tout cas ces coopératives-là, est-ce qu'ils ont des valeurs particulières? On parle ici de responsabilité personnelle, de respect mutuel, de collaboration et de solidarité. C'est donc une coop de travail, c'est une entreprise collective gérée démocratiquement. J'aime bien ce concept, encore une fois. Alors, je suppose qu'on en retrouve au Québec, mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Le réseau de la coopération en compte 300 membres répartis dans plusieurs secteurs d'activité, dont foresterie, ambulancier, agriculture, restauration, informatique. Il y en a dans plusieurs domaines? Dans beaucoup de domaines. Certaines regroupent un petit nombre de personnes. Dans d'autres cas, ces personnes-là sont plus nombreuses. Dans ces cas-là, les moyens employés dans la mise en application des principes caractéristiques d'une coop de travail sont appelés à varier en fonction de cette dimension essentielle de l'organisation. Si on pense qu'une démocratie, une prise de décision par 4 ou 6 personnes, c'est une chose, mais quand le nombre de personnes est plus élevé, ben il faut utiliser d'autres moyens. C'est-à-dire? Quand une coop de travail compte un bon nombre de personnes, il faut qu'elle se structure. L'assemblée des membres détermine ses orientations stratégiques et élit un conseil d'administration. D'accord. On va voir ça tantôt avec la Barberie, où je suis allée. Oui. C'est à cette instance, donc au CA, qu'incombe la responsabilité de voir à ce qu'elle soit mise en œuvre. Le CA confie à un responsable la coordination des activités de la coopérative de travail. Cette personne gère l'organisation dans le quotidien et fait rapport aux membres élus du conseil d'administration de la coop une fois par mois, généralement. En fonction de la taille de la coopérative, il peut être assisté par des directeurs de département. Bon, il y a plein de beaux mondes là-dedans. Est-ce que ça représente pas certaines difficultés pour le coordonnateur ou en tout cas le directeur général de rendre des comptes parce qu'il y a des personnes dans son quotidien qui vont exercer leur activité professionnelle sous sa supervision? Effectivement, c'est pas évident ni pour le coordonnateur ni pour le membre travailleur qui, lorsqu'il siège au CEA, doit mettre son chapeau entreprise et prendre une position qui aille au-delà de ses intérêts propres, c'est-à-dire privilégier la coopérative et son développement dans une perspective, si on peut dire ça, comme de bien commun. Dans ce cas-là, il faut faire, m'a-t-on dit, la différence entre le côté associatif et le côté entrepreneurial. Donc, ça prend les deux, mais... Oui, chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin, si on peut dire ça comme ça. Oui. Les coopératives peuvent compter sur un soutien de la coopérative de développement régional, non seulement à l'étape de la mise sur pied, mais également en deuxième ligne, si on peut dire, comme quand une organisation doit se structurer pour continuer à se développer. Et qu'est-ce qu'il y en est, dans le fond, au niveau de la ville de Québec? Si on regarde sur le site du ministère du Développement économique, Innovation et Exportation, la ville compte 21 coop de travail qui œuvrent dans plusieurs secteurs d'activité. Ah, OK. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Oui. Certaines sont dans le secteur des services, comme B3L, Conseil, ou la coop de formateurs et de consultants en intervention organisationnelle, Tandem, la coop de services en services informatiques, CSI, Multimédia, Orion, coop de recherche ou conseil. D'autres sont dans le secteur alimentaire ou de restauration, tels que les brasseurs professionnels de Saint-Roch, autre nom pour la Barberie, ou la coopérative La Fourmi Atomique. D'autres, enfin, offrent leurs services dans d'autres secteurs, services ambulanciers, comme la coop des techniciens ambulanciers du Québec, la construction et rénovation, comme la coop de travail La Construction Ensemble, les arts, comme la coopérative artistique du Fergy. J'ai pris une liste, hein, je vous les donne Très intéressant, merci de nous les partager. La coop de production cinématographique et audiovisuelle de Québec, Spirafilm. Comme vous pouvez le constater, donc, effectivement, il en existe plusieurs sur le territoire de la ville et elles sont diversifiées. Eh bien, comme je disais, merci Nicole de nous avoir partagé cette liste de coopératives de travail. Alors, très, très, très intéressant. Avant de continuer là-dessus, on va d'abord écouter une autre pièce musicale bien choisie par Monsieur Le Terme. Alors, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Yo pertenezco al F. FBI y viene buscando a un gángster. Allá se compra, se vende y se mete en la mercancía al por mayor. Allá se compra, se vende y se mete en la mercancía al por mayor. Allá se compra, se vende y se mete en la mercancía al por mayor. Allá se compra, se vende. Qui en est-ce le patron de Sistema Solar? Alors, vous êtes toujours au grain de sable sur les ondes de CKRL 89.1. On discute démocratie et travail avec Nicole Moreau à travers la question des coopératives. Alors, Nicole, pour continuer là-dessus, est-ce qu'il existe certaines conditions qui favorisent la mise sur pied, le fonctionnement de ce genre d'entreprise? Vous venez de présenter qu'il y en avait 21 à Québec même. Donc, C'est la solidité, la solidité de l'équipe, je veux dire, et la complémentarité de ses membres qui représentent la condition la plus importante de succès. Ah, OK. Et comment ça se fait la capitalisation d'une telle type d'entreprise, c'est-à-dire d'où proviennent les fonds? L'investissement de part par les membres, d'une part, okay. Et la constitution d'une réserve à partir des excédents possibles. Donc, ça prend une réserve un peu. Puis vous avez évoqué au début de votre intervention le réseau de la coopération du travail. C'est quoi au juste son rôle? Son rôle, c'est de favoriser le développement de coop de travail pour le bénéfice de ses membres et de la société, mais encore des coopératives interdépendantes, performantes et innovatrices, donc assurer un lien. Mais encore, par le biais de coopératives de travail, le réseau tente de promouvoir une vision de l'économie et de la production basée sur la pérennisation, ils veulent les assister pour qu'ils survivent, des entreprises, l'enracinement sur le territoire et le contrôle collectif du devenir économique. Donc, les coops s'insèrent dans une économie solidaire. Les coopératives de travail partagent les mêmes défis, quel que soit leur secteur, c'est-à-dire offrir à un groupe de personnes de gérer collectivement leurs entreprises dans le but de leur procurer un emploi de qualité et à long terme. Donc, il faut quand même qu'ils fassent de l'argent un peu, là. Il faut qu'ils vivent. Oui, ils font de l'argent aussi. Et pour supporter, le réseau offre, les coops de travail, le réseau offre de la formation et de l'accompagnement. Ah, excellent. Vous êtes très bon à savoir. Donc, les coopératives de travail, coopératives du travail se sont donné une instance. C'est ça que je voulais aborder. Donc, une instance de représentation pour le Québec. Est-ce que c'est aussi le cas pour le Canada? C'est aussi le cas pour le Canada. La Fédération canadienne des coops de travail a comme mandat de travailler au développement et à l'expansion des entreprises organisées selon les principes coopératifs et les principes de prise en charge et de contrôle des travailleurs, en plus de promouvoir les idéaux de la démocratie au travail. Donc, cette fédération donne une voix représentative aux coopératives de travail. Des représentants de la fédération participent aussi aux travaux de la CICOPA. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est le Comité international des coops de production et de services industriels et artisanales qui regroupe les coopératives du monde entier. Ah oui? Oui, les coops de travail, effectivement, du monde entier. Grâce à cette participation, les coopératives ont eu accès à une information pertinente sur les modèles développés ailleurs. OK. Alors, Nicole, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des coopératives de travail de la Ville de Québec? Oui, j'en ai choisi deux au hasard. J'ai privilégié des coopératives accessibles par transport en commun. Et parce que le modèle de coopératif est très différent des organisations habituelles, j'ai souhaité les connaître un petit peu mieux de l'intérieur, en connaître au moins deux, pour savoir comment se vit concrètement la démocratie au travail, comment sont prises les décisions et quel est le climat de travail, à quelle formation les membres ont eu accès, etc. Là. Alors, la première, c'est la Barberie. Donc, allons-y. D'accord. Alors, j'y ai rencontré deux personnes. Le DG, une travailleuse qui s'occupe à temps partiel de la vie associative et du développement durable. Okay. C'est une coop qui existe depuis 15 ans, qui a fait le passage d'un petit nombre de membres fondateurs, 3, vers un plus grand nombre de personnes et qui s'est dotée d'une structure plus formelle qu'auparavant. Elle est passée donc de 3 membres à une trentaine de travailleurs. Oui, quand même. Oui, pas mal. 11 membres en règle, 4 en attente d'une décision pour le devenir et 15 travailleurs non membres. Certaines conditions sont importantes pour le succès d'une coop de travail qui se développe dans des champs d'action claire pour chacun. Donc, c'est-à-dire, chacun doit avoir une charge de travail très claire pour que les autres sachent exactement pour pas que les gens se pilent les pieds sur les pieds les uns des autres. Donc, c'est très, très, très détaillé. Là. Donc, oui, un organigramme que tous ont eu l'occasion de s'approprier et s'y référer en cas de question. Également, comme dans le cas des autres entreprises, une communication claire et transparente de part et d'autre entre les membres de la coop est nécessaire. Il est important que chacun veuille en arriver à une solution quand se présente une situation litigieuse. Donc, que chacun, tous les membres et les directeurs acceptent de faire des compromis. Wow! Les travailleurs de la Barberie ont pu bénéficier de formations sur plusieurs sujets, notamment grâce au soutien de la coop de développement régional, de même qu'Emploi Québec. Pour M. Blais, membre fondateur de la Barberie, la transformation de la coopérative a représenté une étape délicate. Les deux autres membres fondateurs ont quitté le navire, si on peut appeler ça comme ça. Il y a maintenant un conseil d'administration constitué de membres travailleurs qu'il a engagé lui-même. Si bien que lorsqu'il soumet un projet et que celui-ci n'est pas accepté, cela peut s'avérer une expérience relativement délicate pour lui. Il en serait fort probablement différent d'un directeur général s'il avait été engagé par le CA, ce qui n'est pas son cas, comme il était membre fondateur. C'est vrai que pour M. Blais, donc, qui a monté l'organisation lui-même avec deux de ses amis, la relation avec la Barberie a une autre connotation que pour un autre DG, une autre personne qui serait DG. L'évolution, donc, du rôle du membre fondateur d'une coop de travail peut représenter une étape difficile à franchir. En bref, pour M. Blais, le mode coopératif est très important et il en est très fier. Beaucoup d'apprentissage a été nécessaire pour tous. La Barberie est aussi une entreprise qui encourage l'économie locale. Ah, tout à fait. Puis leur bière est délicieuse. Je tiens vraiment à le souligner. Oui, j'en ai bu, mais pas dans leurs locaux, mais j'en ai bu et c'était très, très bien. Oui. Et leurs locaux sont assez sympathiques. Oui, puis vous pouvez en trouver également dans certaines épiceries. Tout à fait. Je vous invite, chers auditeurs, si vous la connaissez pas déjà. Alors, vous vouliez également nous parler d'une autre coopérative de travail dont vous avez rencontré aussi, donc les productions 4 éléments. Oui, alors, c'est une coop de travail créée en 2006, spécialisée dans les productions cinématographiques et audiovisuelles, qui regroupe donc 6 personnes. J'y ai rencontré Francis Duperron, la personne chargée plus particulièrement du développement. Chaque membre, là aussi, chaque membre de la coop a ses spécialités bien définies. Les décisions sur le fonctionnement général de l'entreprise sont prises collectivement. C'est plus facile d'asseoir 6 personnes autour d'une table que 30. C'est sûr. Aussi bien pour les achats que pour les projets dans lesquels la coop décide d'embarquer ou de ne pas le faire. La coop peut à l'occasion faire affaire avec des pigistes pour certains projets plus gros. La coopérative a choisi de sous-contracter certaines tâches, plutôt celles de type administratif, qui n'ont pas un lien immédiat avec la production dont elle s'occupe. Qui prend beaucoup de temps aussi, hein? Oui, et c'est probablement plus intéressant de faire ça comme ça pour les gens qui sont dans les métiers plus artistiques. Les avantages de la formule coopérative, donc, sont de fournir à ses membres une structure, des équipements et un taux horaire fixe. La formule coopérative permet la participation de tous, ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres types de maisons de production dans le milieu cinématographique. Alors, si la coop souhaitait intégrer un nouveau membre, dit Francis, il y aurait une période de probation ou d'essai d'au maximum 500 heures de travail, donc quelques mois. En bref, pour Francis, la coopérative est davantage une équipe qu'une entreprise, mais il faut avoir le sens de l'innovation et un certain côté entrepreneurial. Il est possible que ce soit ce dernier élément qui explique que deux des membres fondateurs de la coop n'en font plus partie. Enfin, en terminant, c'est intéressant de savoir qu'il va y avoir lieu à Québec, à la mi-octobre, un congrès international sur la coop de travail, la coopération, je veux dire, du travail, dont l'un des objectifs est le développement de l'expertise des coopératives de travail par l'analyse et l'échange des meilleures pratiques de gestion et de gouvernance. Eh bien, merci beaucoup, Nicole. C'est vraiment très, très intéressant. Je voudrais vous souhaiter, à tout le monde, un bel été plein de soleil. Oui, hein, pas trop d'eau. Pas trop de pluie. Non. Ben moi, j'aimerais ça profiter. Je crois que c'est notre dernière chronique de la saison. Oui. C'est bien ça. Alors, je tiens personnellement à te remercier. Et ce fut fort agréable de collaborer avec toi. Et j'espère collaborer à nouveau à l'automne. Ça devrait. J'ai beaucoup apprécié. Moi ouais. aussi. Ben, tant mieux, on est bien contents. Alors, on vous souhaite un excellent été et puis on espère vous retrouver, c'est ça, comme je disais, à l'automne. Quant à nous, on va se quitter le temps d'une petite publicité. On se retrouve après pour la deuxième partie d'émission avec Léa et Maxine de l'association Univers Laval. À tout de suite. Chaque vendredi, les soirées du bleu au noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de micro-brasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Plongez pour le Festival de la chanson de Tadoussac du 9 au 12 juin. Une 28e édition émouvante présentée par le Mouvement des caisses Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec. Retrouvez ou découvrez le plus grand des petits festivals, ses sites enchanteurs et les artistes invités tels que 12 hommes rapaillés, Chloé Sainte-Marie, Paul Piché, Damien Robitaille, Danny Placard, Gaël, Isabeau et les chercheurs d'or, Jérôme Minière, Carquois, les Cowboys fringants, Malajube, Tire le Coyote et plusieurs autres. Informations et réservations 1-866-861-4108. Une invitation de la bière Belle Gueule. Le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs accueille un spectacle unique sur 3 soirs consécutifs, une véritable immersion au cœur de l'Argentine les 26, 27 et 28 mai. L'avenue Tango, première école de tango argentin à Québec, présente le triptyque Tango, tabac, alcool, ecstasy. Réservez votre place au Théâtre Les Gros Becs au 418-522-7880. Procurez-vous un forfait 3 spectacles et plongez au cœur du tango. tangoalcool.com. Mercredi 25 mai, c'est la dernière de la saison de En direct du Sacrilège entre 17h30 et 19h30. Pour l'occasion, des invités, des prix de présence et les gastronomies du Sacrilège. Dès 21h, c'est une soirée de financement pour CKRL. Jusqu'à la fermeture, 75 sous par pain vendu sera remis au 89.1. Le 25 mai, toute une soirée pour CKRL au Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. On vous y attend. La soirée du bleu au noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Le Bal du Lézard. C'est beau, ce roulement de tambour qui nous frôle la peau. C'est le son de la pluie sur le toit de l'auto. Oh, le goût de de l'eau. J'ai le goût de l'eau, j'ai envie de ta bouche, de cet orage tendre où nos corps se touchent, où nos désirs se répandent dans nos ruisseaux farouches. Oh, le goût de l'eau. Roucoulante, miroitante, en fine gouttelette sur le doux de ton ventre, balbutiante, délirante. Oh, le goût de l'eau. C'est la mémoire du ciel, sur le bout de la langue, c'est un peu d'éternel. C'est le chant des bateaux, le vent qui les appelle. Oh, le goût de l'eau. Dans la soie des rivières, sous le sel de la mer, on perd le vivant dans les crânes de la terre. Et sous la nappe dormante de ce lac en hiver. Oh, le goût de l'eau. Dans la transparence de l'aquarelle, quand elle coule sur le dos de l'arc-en-ciel. Dans les mots des oiseaux, sur le bleu de leurs ailes. Oh, le goût de l'eau. C'est beau, ce n'est pas le moteur, ce n'est pas la radio, ce sont des larmes d'ange sur le toit de l'auto. Oh, le goût de l'eau, le goût de l'eau, j'ai envie de toi, j'ai envie d'apprendre ce que je sais déjà, de me laisser couler jusqu'au creux de tes bras. Oh, le goût de l'eau, j'ai le goût de l'eau, que l'orage gronde, qu'une inverse de tendresse inonde le monde, et que flotte notre amour sur les eaux profondes. Oh, alors, bonsoir. De retour au Grain de Sable, ici à CKRL 89.1. Vous avez reconnu la chanson de Michel Rivard, Le goût de l'eau. Alors, pour la deuxième partie d'émission, ça tombe bien, parce que ça va être autour, dans le fond, c'est la chronique Développement épais, aujourd'hui. Puis, c'est Léa et Maxine qui vont s'en charger des étudiantes de l'université. Alors, donc c'est ça, et c'est toutes deux des membres d'Univers Laval. Ils sont fortement impliqués, donc avec Développement épais, dans la campagne pour les zones libres d'eau embouteillées. Mais avant d'en parler, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, oui. Alors, peut-être juste indiquer aux auditeurs dans quel domaine études vous êtes à l'université. Oui, donc moi, Maxine, je suis en train de terminer mon MBA en responsabilité sociale et environnementale des organisations. Mm-hmm. Et donc, je me concentre sur le développement durable en organisation. Alors, c'est très important pour vous, ce côté-là. Exactement. Oui? Alors, moi, j'étudie au baccalauréat en administration des affaires à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Puis, je vais entreprendre ma deuxième année à l'automne. Bon, ben excellent. Alors, bienvenue à l'émission Le Grain de Sable. Alors, peut-être pour... on va commencer par présenter l'Univers Laval. C'est une association. Alors, pour les auditeurs qui connaîtraient pas ça. Oui, alors, Univers Laval, c'est l'association en environnement des étudiants de l'Université Laval. Et la mission de cette association-là, c'est de sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux environnementaux. On axe beaucoup sur le développement durable et on a aussi l'aspect de travailler toujours en collaboration avec la direction de l'université. Ah, bon, alors c'est très collaboratif. Oui. Et donc, en quoi, là, donc, votre association Univers Laval... en fond, vous êtes impliqué, cette association-là, c'est impliqué à travers la campagne Zone libre d'eau embouteillée. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis pourquoi cette campagne? En fait, on s'est rendu compte que l'industrie de l'eau embouteillée, ça existe en fait juste depuis à peu près 20 ans. Puis ce récent comportement-là que les gens ont d'aller acheter de l'eau, c'est dû en fait à l'une des plus grandes arnaques de l'histoire du marketing. Parce que quand on y pense, les gens se sont laissés convaincre par des publicités que d'acheter de l'eau embouteillée, c'était meilleur que de l'eau du robinet. Alors Ça, c'est complètement faux. En général, la qualité est égale. Donc là, ces personnes-là vont aller payer leur eau embouteillée environ 6000 fois le prix que vaut l'eau du robinet. Quand même. Pour, oui, c'est ça, pour de l'eau qui a la même qualité. Là. Donc, on paye déjà à travers nos taxes les villes pour que celles-ci assainissent notre eau. Donc, pourquoi on irait dépenser des milliers de fois plus pour de l'eau qui est dans une bouteille? Puis, en plus du coût économique de ces bouteilles-là, il y a le coût écologique qui est énorme. Sur le campus universitaire, nous, à l'Univers Laval, on a estimé qu'il y avait à peu près 1500 bouteilles d'eau qui étaient bues chaque jour. Mm-hmm. Puis, même si ces bouteilles-là sont recyclées, à peu près moins de 50% des bouteilles le sont, en fait, le coût environnemental est super grand. Toute l'énergie, le pétrole, l'eau nécessaire au transport, à la fabrication, à l'embouteillage, puis au recyclage des bouteilles d'eau, est inutilement gaspiller quand on pense que remplir sa gourde d'eau à une fontaine, mais ça dépense rien en fait. C'est gratuit entre guillemets, mais dans le fond c'est comme vous dites, c'est payé. Exactement. Puis finalement, on peut aussi se demander si c'est légitime que des compagnies privées puissent s'approprier des quantités phénoménales d'eau douce sans en payer le réel prix. Les conséquences sur les écosystèmes de ces prélèvements d'eau-là à grande échelle sont souvent inconnues ou bien méconnues. Puis les prix payés, si c'est payé, parce que des fois les compagnies payent même pas l'eau qu'ils prennent, mais c'est ça, ces prix-là sont dérisoires. Fait que là, certaines compagnies embouteillent même de l'eau qui provient directement du système public. Oui, oui. Qui desservent les villes canadiennes. Pour ne pas les nommer. Oui, donc, oui, c'est ça. Donc, veut-on vraiment payer une deuxième fois pour notre eau? C'est une belle question, hein? C'est une très belle question à poser à nos auditeurs, ou en tout cas à faire réfléchir les gens qui nous entourent. Et puis, donc, dans le fond, c'était vraiment les objectifs un peu de sensibiliser, ce que je comprends, donc, de la campagne, sa raison d'être. Oui, alors en fait, la campagne a pris vraiment une tangente de campagne de sensibilisation et d'information. Mm-hmm. On voulait vraiment donner les outils aux gens, les informer, leur donner de l'information pour qu'ils puissent décider est-ce que on veut acheter ou on veut consommer l'eau publique, l'eau des aqueducs finalement. Okay. Donc on a fait beaucoup de sensibilisation, puis notre campagne s'appelle en fait À Laval, buvons local. Mm-hmm. Ça dit tout. Oui, ça fait. On a beaucoup axé sur la valorisation de la consommation d'eau publique, l'utilisation des fontaines d'eau et des alternatives comme les gourdes ou les tasses. Oui, OK. Donc ça, c'est un petit peu les démarches que votre association a entrepris ou? Oui, on a fait aussi des kiosques d'information, on a fait des tournées de classe, on a aussi des affiches qu'on a publiées un peu partout sur les babillards de l'université. On a une page Facebook aussi, okay, qui s'appelle « À Laval, libérons-nous des bouteilles d'eau », sur laquelle on peut retrouver... J'aime beaucoup! Sur laquelle on peut retrouver plein d'informations, plein d'articles, des vidéos intéressantes, toujours sur le thème de l'eau. En fait, c'est un peu les démarches qu'on a fait là, tout au long de l'année. Donc, quand vous aviez des kiosques, est-ce que vous vendiez des tasses ou des... concrètement... Ben, on a axé aussi nos kiosques sur une pétition. Uh-huh. Donc, on sait que jusqu'à présent, l'université Bishop et Concordia sont des zones libres d'eau embouteillée au Québec, des uh-huh. universités sans eau embouteillée. Donc, ils ont retiré vraiment toutes les bouteilles d'eau oui. de ces universités-là. Puis, l'université de Sherbrooke a fait une annonce récemment aussi comme quoi eux aussi s'engageaient à retirer les bouteilles d'eau de leur campus. Donc, Des belles nouvelles. Oui. Puis, on aimerait aussi que l'université Laval suive cette voie. Alors, notre pétition demandait au rectorat de retirer les bouteilles d'eau et de faire de l'université une université sans eau embouteillée. Alors, donc, la pétition a eu lieu quand? En fait, on a fait ça à la Journée mondiale de l'eau le 22 mars dernier. En fait, la pétition a été démarrée beaucoup avant, là, quelques mois avant. On approchait les gens dans des kiosques ou justement dans des tournées classe pour les faire signer. Puis surtout, en fait, le prétexte principal de la pétition, c'était de les sensibiliser à l'enjeu. De leur parler du projet qu'on avait de faire un campus sans eau embouteillée. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui connaissaient déjà les enjeux, mais qu'il y a beaucoup d'autres gens en fait qui connaissaient rien du tout de comment ça pouvait être dangereux, comment l'eau embouteillée était néfaste point de vue écologique et environnemental et aussi social. Mais la majorité des gens qu'on a approchés étaient pas mal en faveur du projet. Comme par exemple, quelques semaines, la semaine avant de remettre la pétition, le 22 mars, on a envoyé un courriel à toute la communauté universitaire, donc les étudiants et les membres du personnel aussi. Dans les 5 premières heures seulement, il y avait déjà 500 personnes qui avaient signé la pétition en ligne. Donc, les gens ont très bien reçu la pétition. Puis, on l'a remis justement le 22 mars au recteur Denis Brière. Robert et au vice-recteur au développement durable Eric Beauce. Et on avait ramassé un total, je crois, de 4068 signatures en papier et en ligne. Alors, c'est des beaux chiffres, ça. Bravo, bravo. Alors, c'est vraiment toute, toute une démarche. Et en ce qu'on souhaite, dans le fond, ça, vous allez avoir plus des retombées de la pétition un petit peu plus tard ou vous le savez pas, vous êtes en attente? Ben en fait, lorsqu'on a remis notre pétition au recteur et au vice-recteur, on a eu justement un compte-rendu un peu de leurs impressions, puis ils sont tout à fait en accord avec le fait de valoriser la consommation d'eau publique sur le campus, mais ils sont pas prêts à bannir la vente d'eau embouteillée, à retirer l'eau des tablettes de l'université. Donc, ils nous encouragent beaucoup dans nos démarches pour parvenir à l'objectif d'un campus sans eau embouteillée, mais ça passera pas par une interdiction formelle de leur part. Oui. Bon, alors merci beaucoup à toutes les deux. Donc, avant de continuer sur cette campagne de zone libre d'eau embouteillée, alors on va écouter une dernière pièce musicale. Restez bien avec nous. On continue après pour la fin de notre entretien avec Léa et Maxine. Sunsets in the third world, first light in the first world, wakes us from our sleep. We need to eat, we need to break our thirst, break our fast. And girl, every new day there's a new price to pay. Something more through the door, they always find a new way to make a profit off a sun ray, a raindrop, a breeze, a seed, some soil, a food crop. Above us all, our star shines, but it's not yours, it's not mine. Travel in space, travel in time, to give us life from light years behind. And we've got plenty, we've got enough, but nothing's free in this world, girl, but your love. We've got plenty, we've got enough, but we've got people keeping prices up. Who wants the sun that shines in the sky? Doesn't it shine on all of us? Doesn't it shine on all of us? Light in the third world wakes them from their sleep. They need to eat, need to break their thirst, break their famine, watch you and me dream, girl. Every new dawn there's a thousand babies born next to fields of coca beans when it should be fields of corn. Above us all the rain pours down, drops down like coins as they hit the ground. And we've got plenty, we've got enough, but nothing's free in this world, girl, but your love. We've got plenty, we've got enough, but we've got people keeping prices up. And who wants the rain that falls from the sky? Doesn't it fall on all of us? Doesn't it fall on all of us? Says, who Vous êtes toujours au Grain de Sable sur CKRL jusqu'à 18h30. Alors, ce sera suivi de l'émission 100% Dynamite. Je veux vous rappeler que c'est vraiment une superbe émission musicale pour débuter votre vendredi soir. Alors, je vous invite à l'écouter. Alors, on discutait avec Léa et Maxine de la campagne menée, entre autres, par Développement Épais et l'association Univers Laval. Donc, ils font partie, justement, de cette association-là. Pour établir des ondes libres d'eau embouteillées. Alors, vous avez vraiment fait une pétition, puis vous avez convaincu au moins plus de 4000 étudiants, des universitaires, signer la pétition, justement, pour que l'Université Laval puisse devenir une zone libre d'eau embouteillée. Donc, c'est en cours. En tout cas, on discutait justement de ça avant la pause, que peut-être, éventuellement, mais pour l'instant, ce que vous disiez, c'est ça, il y a encore des places où les étudiants vont pouvoir se procurer d'eau embouteillée. Oui, c'est ça. Pour le moment, c'est vraiment au niveau éducation. C'est de la sensibilisation, en fait. Mm-hmm. Il n'y aura pas d'action prise maintenant par le rectorat. Donc, en fait, pour convaincre les gens de lâcher la bouteille, si on veut, oui. Nous, à Univers Laval, on a cherché et trouvé la gourde qu'on trouve la plus pratique, finalement, puis qu'on a mis en vente sur le campus au coût de 5 $, donc c'est vraiment pas cher. Okay. C'est le prix coûtant. C'est une gourde qui a été sélectionnée parce qu'elle est souple. Donc, quand elle est vide, on peut la rouler, la mettre dans sa poche, ah oui, ou la mettre entre deux livres. Elle prend vraiment pas beaucoup de place. En plus, elle est hyper durable, elle est pas dangereuse pour la santé. Puis elle vient des États-Unis. Malheureusement, au Canada, il y en a pas qui sont produites, mais les États-Unis, c'est quand même moins dommageable parce qu'il y a pas de CO2 qui est lié au transport que si on l'avait fait venir d'Asie, par exemple. Puis ça nous assure aussi que les travailleurs étaient bien traités. Okay. Donc c'est ça, cette gourde-là est mise en vente sur les tablettes de l'université au prix de 5 $. Puis par contre, si vous êtes pas à l'université, pour les auditeurs à la maison qui sont pas des universitaires, qui voudraient aussi trouver des moyens de pallier finalement à une interdiction des bouteilles d'eau, parce que ça se pourrait aussi que ça soit au niveau de la ville. Il y a une ville en Australie puis une ville au Massachusetts aussi, pardon, qui ont interdit à la grandeur de la ville l'eau embouteillée. Donc, si jamais ça arrive à Québec, vous serez préparés. C'est un beau rêve, hein? Oui. Donc, nous, on conseille des gourdes qui sont... Faites attention à chercher des gourdes qui sont sans BPA. Parce que le BPA, sans finalement... BPA. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un additif qu'on ajoute au plastique souvent pour le rendre transparent. C'est très, très dommageable pour la santé, en fait. Ça fait plusieurs années que c'est sorti dans les études là, que, mettons, pour les biberons de bébé ou justement les gourdes d'eau, c'était très dommageable de consommer des choses dans ces produits en plastique-là avec BPA. Parce qu'on en absorbe un peu, puis ça devient toxique. Exactement. Okay. Puis aussi, sinon, des gourdes en acier inoxydable et non en aluminium. En acier inoxydable, ça pourrait être une belle solution pour aller remplir. Parce que dans le fond, des robinets d'eau publique, il y en a partout. On n'est pas obligé... C'est pas parce que l'eau vient pas d'une fontaine d'eau qu'elle est pas bonne. Ça vient d'un robinet dans une salle de bain. Si c'est de l'eau froide, il n'y a aucun problème. L'eau est très bonne aussi. Puis, ce qu'on veut rappeler aussi aux gens, c'est d'éviter de réutiliser une bouteille en plastique si vous avez acheté. Pour quelle raison, déjà? Ben, parce que, en fait, c'est un petit peu la même raison que le BPA. C'est que ces bouteilles-là sont faites pour des utilisations uniques. Donc, le plastique est très mince. Puis, il peut se dégrader facilement, finalement. Plus on le réutilise, plus il y a des chances que des particules de plastique se ramassent dans l'eau qu'on ingère. Et puis, ça peut causer des désordres hormonaux et d'autres problèmes de santé que... donc, Maxine, ce que tu me dis, c'est quand on prend de l'eau dans une bouteille embouteillée, une bouteille en plastique, donc on boit un peu de plastique. Ben, en fait, non. La première fois, pas vraiment, parce que la bouteille était scellée, elle a pas vraiment subi de changement de température, mais c'est ça. Si on décide de réutiliser pendant 2 mois sa bouteille d'eau d'Azani, ben oui, il y a des risques pour la santé qui augmentent parce que, ben, la bouteille subit des changements de température, là, va du chaud au froid, et puis tout, finalement, ouais, il y a des changements qui ont, qu'il n'y a pas dans une bouteille scellée qui fait que ça pourrait être dommageable pour la santé. Bon, mais en tout cas, c'est un beau cours de 101 sur les belles alternatives aux bouteilles d'eau, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en aura d'autres ou c'est pas mal, on avait fait pas mal le tour là, pour les gourdes ou sans BPA, en acier inoxydable? Bon, en fait, ça, c'est les alternatives à la bouteille d'eau concrètement, mais les gens peuvent bien évidemment boire directement aux fontaines d'eau. Mm-hmm. Puis on a aussi des projets à l'université qui sont de valoriser, mettre en valeur les fontaines d'eau. On veut les rendre plus attrayantes, plus visibles pour les gens qui passent, pour leur rappeler leur présence. Donc c'est des projets qui sont toujours à bâtir et on les a commencés puis on souhaite les poursuivre. Tout à fait. Alors ça m'amène à vous poser la question, est-ce qu'il y aurait des suites de cette campagne de 2010-2011 à l'Université Laval? Bien sûr, tant que notre objectif d'un campus sans eau embouteillée ne sera pas atteint et tant qu'il va y avoir des étudiants mobilisés, motivés pour travailler sur ce projet-là, il va y avoir une suite. Donc, principalement, on va essayer de créer beaucoup de partenariats avec des associations parascolaires et étudiantes pour que ces associations-là deviennent des associations sans eau embouteillée. Alors, le concept, c'est que ces assos... En fait, les étudiants qui font partie de ces assos-là s'engagent en quelque sorte à ne pas consommer d'eau embouteillée, puis ils s'engagent aussi à promouvoir l'idée d'un campus sans eau embouteillée. Donc, jusqu'à présent, on a 6 associations qui sont embarquées dans ce projet-là. Oui, excellent. Puis, on veut vraiment continuer dans cette même lignée. Par curiosité, avez-vous abordé, je sais pas moi, Sodexo, les services alimentaires ou les cafés étudiants? Juste curiosité. Par rapport aux cafés étudiants, ça s'en vient quand même bien. Il y a certains cafés étudiants qui ont décidé de ne plus vendre d'eau embouteillée. Mm-hmm. C'est sûr que ça leur apporte des bons revenus, donc c'est difficile pour eux de bannir complètement l'eau embouteillée. Donc, on pense quand même faire des journées sans eau embouteillée ou une journée spécifique dans l'année, les cafés pourraient ne plus vendre d'eau embouteillée. Puis de toute façon, en ce moment, ce sont les cafés étudiants qui vendent cette gourde-là dont on parlait plus tôt. Oui, donc, oui. Elles peuvent proposer, êtes-vous sûr de vouloir une bouteille d'eau? On a une belle gourde ici à 5 $. C'est une belle alternative, voilà, pour les cafés étudiants, pour se faire un peu un autre montant d'argent. Et donc, en conclusion, avez-vous un petit mot de la fin sur cette campagne de zone libre d'eau embouteillée? Ben oui, en fait, peut-être revenir sur l'eau publique. Souvent, les gens, l'inconvénient qu'ils voient à boire l'eau du système d'aqueduc, c'est qu'elle a un goût. Souvent, c'est un goût de chlore, finalement. Puis c'est pire même pour les gens qui sont à Sainte-Foy parce qu'ils sont plus proches de l'usine de traitement d'eau. Mais en fait, ce qu'on leur conseille à ces gens-là, c'est de tout simplement laisser l'eau reposer pendant 2 ou 3 heures afin que le chlore s'évapore. Puis après ça, le goût est parti. Donc, il n'y a vraiment aucune raison d'aller s'acheter, de faire un tour au magasin, s'acheter une bouteille d'eau quand on peut laisser reposer l'eau gratuite à la maison puis la boire par la suite pour le même goût. Tout à fait, tout à fait. Alors, laissez maintenant reposer votre eau si elle goûte le chlore au début et 1 heure après, ça sera disparu. Voilà. Alors, ben merci beaucoup d'être venu partager ces informations et d'être venu aussi nous montrer un peu concrètement que justement cette campagne-là, ben ça se passe au niveau, dans la ville de Québec et pas seulement, c'est pas juste dans les nuages. Alors, j'invite les auditeurs à partager cette information-là. Et vous m'aviez dit aussi qu'il y avait une page Facebook. Oui, donc, en fait, c'est une page Facebook au nom de À Laval, libérons-nous des bouteilles d'eau. Alors, il va y avoir plein d'informations directement sur notre campagne. Alors, ben merci beaucoup Léa et Maxine pour votre intervention. Au plaisir de vous accueillir à nouveau à l'émission. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, j'aimerais remercier grandement Cédric Leterme qui produit et aujourd'hui qui était à la mise en onde ce soir. Alors, également à Nicole Moreau qui était notre chroniqueuse au sujet de les coopératives de travail aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous tous les vendredis soirs. Alors, on vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site CKRL et également sur celui d'Attaque Québec. Vous pouvez également nous écrire à l'émission legrainsable@hotmail.com. Alors, juste avant de vous quitter, j'aimerais vous parler donc d'une campagne pour le moratoire d'une génération. Alors ici, les valeurs d'Attaque Québec, donc vous pouvez vous douter que La grande marche de 660 km contre les gaz de schiste et les énergies sales, c'est comme ça que c'est dit, donc dans la publicité, donc de Rimouski à Montréal. Ça va se dérouler du 16 mai au 17 juin. Alors, on est tout de cœur avec eux. Donc, ceux qui peuvent aller marcher avec eux, donc, sera de passage à Québec dimanche le 29 mai. Alors, je rappelle, le campagne pour le moratoire d'une génération. Et puis, donc, le dimanche 29 mai, c'est à partir de 10h30. Donc, vous pouvez, ça va être la marche au traversier en compagnie de la fanfare Tintanor. Alors, ça va être participer à la marche jusqu'au parc Saint-Roch. Il y aura un dîner au parc Saint-Roch, donc coin Charret et de la Couronne. Alors, ça va être plein d'activités toute la journée. Atelier sur les gaz de schiste, atelier sur le théâtre de l'opprimé, cabaret oléoduc, gumbo, jonglerie et plus encore. Bon, là, il y a des choses que là, je peux pas nommer. Donc, vous pouvez aller voir le site www.moratoiredunegeneration.ca. Et je vous invite également à visionner Gazland, si vous l'avez pas déjà eu, Donc, ça dure seulement 47 minutes et ça peut servir d'outil pour convaincre votre entourage. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve vendredi prochain à 17h30 pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Vigneault et Goulvendi pour l'émission 100% dynamite tout en musique. Alors tout de suite après ces quelques publicités sur les ondes de CKRL, cette radio fabuleuse qui cultive tes goûts.